C'est fou la roue de l'Est. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé nous raconte l'histoire des Yardbirds dans sa chronique Phénomène. Et on parle de la grève qui a lieu aujourd'hui. Assemblage requis, ça commence aujourd'hui, mais plutôt maintenant. Là. Ça commence aujourd'hui, ça commence là, maintenant. Non, ce n'est pas un coup de pratique. Voir si C'est fou aurait le budget pour qu'on puisse faire une émission de pratique avant chaque émission. Pas question. Jeudi 31 mars, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et aujourd'hui, jour de grève, chers étudiants. Oui, pour les étudiants de l'UQTR, aujourd'hui, c'est congé. Ouais. C'est une grève, en fait. Mais on en parle plus loin un peu? Oui, on va parler tout à l'heure à l'émission. Assez important comme sujet, ça cause bien des controverses. Aujourd'hui aussi à l'émission, on a Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et à chaque fois qu'on le rencontre, à chaque jeudi, il nous présente un groupe rock, un groupe qui a formé l'histoire du rock. Et là, c'est les Yardbirds aujourd'hui. Donc, on va en parler avec lui vers les 8 heures. Je connais pas du tout. Non? Non. Je connais quelques pièces. Non, moi, ça me dit rien du tout. Il y en a que j'apprécie particulièrement, les Yardbirds. Oh. C'est très, très bon. Donc, c'est à 8h, ça. D'ici là, il y a aussi une chronique, c'est un fait, qui s'en vient. Mais on débute l'émission avec Armistice. Voici Mission Bells. Sur C'est fou, 89.1 FM. Le débat sur la laïcité, là, les cloches, non? Je pense que c'est la première fois qu'on fait une référence aux nouvelles de Radio-Canada. On en parle comme si il n'y en avait pas. Quoi ça? On n'en parle jamais, les nouvelles de Radio-Canada. Les nouvelles de qui? De Rad... Laisse faire. Stare. You're really caring. was searching these serpentine streets for the signs of a spark, fucking around in the dark. And long we were held in the thrumming and desperate heat of the clubs, drinking deep from it up. Hey Rosetta et Year Spring, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou en ce moment, en passant le palmarès de C'est fou, les palmarès C'est fou, puis parce qu'il y en a deux, un franco et un anglo, ça a lieu cet après-midi à partir de 14h sur les ondes de C'est fou avec moi-même et Stéphanie Gagné, donc soyez-y. Et puis juste avec, qu'est-ce qu'on peut retrouver si on s'intonise C'est fou? Excellente question. 89.1 FM. Je dirais que ta question est particulièrement appropriée à, ouais, à ce moment-ci. C'est l'émission C'était fou. Oh, c'est quoi ça? C'est une émission qui rembobine C'est fou. Bobine, c'est fou. On retourne en arrière dans une année choisie au hasard, comme ça, et on fait jouer le top 3 de chaque côté. tel qu'il était à l'époque. Et des fois, il y a même un extrait d'émission à l'époque, tu sais. Oh! C'est bien, hein? Intéressant. C'est très intéressant. Et puis, aujourd'hui, on peut s'attendre à quelle année? Mais aujourd'hui, en fait, c'est une édition spéciale de C'était Fou. Donc, je change un petit peu ce que je viens de dire, mais ça va être un spécial numéro 1. Donc, okay. C'est que des numéros 1 à travers les années. On parle tout de numéro 1, numéro 1. T'es passé tout? Non, pas. Il y a eu des numéros 1 à chaque semaine. Depuis le début de la station. Mais je pensais le numéro 1, tu sais, de loin. Ça va être la dernière émission de la session, ça. Plus tard. Pour l'instant, c'est des numéros 1 comme ça, en général, de différentes semaines. Donc, c'est assez fou cet après-midi à 13h, juste avant les palmarès, c'est fou. François, t'es au courant qu'il y a une journée de grève aujourd'hui même, hein? Oui, je suis au courant là-dessus. Comment ça se fait, tu penses? Bien, hier, il y avait une assemblée générale spéciale organisée par l'OGE qui voulait, en fait, demander l'avis des étudiants concernant un vote qui a déjà eu lieu. C'est ça. Il y a quelques semaines de ça, il y avait eu un vote pour une grève. Et là, la question d'hier, c'était est-ce que vous voulez maintenir ce qui a été décidé ou renverser ça? Donc, il fallait voter oui pour dire que tu étais contre la grève. Donc pour renverser la décision qui avait été prise. Exactement. Ou encore voter non pour le garder ce qui avait été demandé et donc dire c'était compliqué. Ça a eu lieu hier et finalement, il y a une grève aujourd'hui. On va parler plusieurs détails d'ici la fin de l'émission de toute façon. Mais pour l'instant, François, il y a aussi d'autres choses qui s'en viennent plus tard. On va avoir un poste d'écoute. Okay? On va avoir des billets pour un film Insidieux. Oui, qui s'en vient. On a des céréales. Avec General Mills. Donc, que de concours, que de choses vraiment intéressantes à vous donner entre vos mains. Mais pour l'instant. On va retourner en publicité. Oh! C'est ça demain. Pic! On s'en va. On s'en vient. C'est ça. On s'en va pour mieux revenir. Ben, mieux. Oh oui. On va revenir. Simon Fetibé s'en vient aussi. Oui. Fait que, hein, on part pas comme ça, là, de bredouille, puis on revient pas sans surprise. OK. OK. Fait que donc, si je veux continuer ça, je vote oui pour dire que non au fait que je veux pas arrêter l'émission. Ouais. Ben, parce que la semaine passée, on a voté. Pour continuer l'émission jusqu'à la fin de la session? C'est ça. Une chance. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Ah, c'est quoi cet assemblage requis dont j'entends tout le temps parler? Ça va, toi, matin? Oui, ça va. Donc, Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées qui continue. Maintenant, François-Olivier, aide-moi un peu à démarrer le... Non. D'habitude, je t'aiderais à démarrer la dactylo. Oui, mais là, je vais donner un petit coup. OK. Pop. OK, pour allumer la machine du poste d'écoute. OK. Le poste d'écoute d'Assemblage requis. Le poste d'écoute d'Assemblage requis, c'est évidemment l'endroit dans l'émission où on vous présente un CD qu'on a reçu à la station et qu'on m'a conseillé, en fait, un CD que je risque d'aimer et que toi aussi, tu risques d'aimer. Ça a l'air même très, très, très bon. We Are Enfants Terribles. La pochette est belle. Oui, avec une jeune fille en noir et blanc qui pleure des larmes rouges dessinées à la main. C'est sympathique quand même. Et à l'arrière, tu reconnaîtras ta chemise. Ta chemise de nappe de pique-nique. Je l'ai pas aujourd'hui. Non, je sais, mais quand même. Avoir su, ça aurait fité dans le décal. Mm-hmm. On voit aussi des encres, tu sais, une encre de bateau. Oui. Et une croix. Une croix. Donc là, ça et fait, un cœur. Et un cœur, ben tout à fait. Un beau petit cœur brodé, même, je dirais. Tel un centre de nappe, si on veut. Donc, leur album s'appelle Explicit Pictures. Et de ce beau petit groupe, We Are Enfants Terribles. On va commencer avec la pièce Make You Laugh, qui débute cet album-là parce qu'on le met dans le poste d'écoute, on l'insère. Et on appuie sur le bouton play. Play. Oh. Ça commence subtoon, j'aime ça déjà. Intéressant. Filthy Love de We Are Enfants Terribles dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. Leur album s'appelle Explicit Pictures. Parlons un petit peu d'eux. Il y a beaucoup d'infos à savoir. Entre autres, le fait que c'est vraiment les enfants terribles de la 8-bit électropop. 8-bit, évidemment, est à la musique de jeux vidéo, François. Ouais. Tu connais un peu ça. Le chiptune, n'importe comment, on peut appeler ça. En fait, on dit sur Wikipédia qu'il est délicat de différencier le style 8-bit des styles bit-pop, pico-pop, game-wave, chiptune ou encore fake-bit. Mais en même temps, la plupart des gens appellent ça chiptune. Non, c'est ça exactement. Tu sais, il y a tellement de styles qu'à un moment donné, il faut que tu t'essaies de résumer ça. T'englobes un plus grand tout, là. Ouais. On peut peut-être remarquer la similarité avec des groupes comme Crystal Castles, que vous connaissez peut-être, qu'on a eu déjà un peu. Un petit peu. On nous dit qu'ils viennent de France. C'est un trio français composé de trois personnes de Lille. Ils ont une passion pour la mode, les jeux vidéo et la musique dance. Ça fait pas trop longtemps que ça existe, depuis 2008. C'est deux garçons et une fille, voilà, de France, avec leur petit son indie rock, synth pop, 8-bit. Tout ça performé en direct avec guitare, batterie et cassette de Game Boy reprogrammée. Tout ça sur plateau, quand ils font un spectacle avec des Game Boy. J'adore ça. Donc, We Are Enfants Terribles, on m'a conseillé ça comme étant quelque chose que j'allais aimer et j'adore ça. Toi, t'aimes ça aussi quand même? Oui, j'ai trouvé ça très bien ce matin. Au début, j'étais pas sûr de la voix du gars dans la première chanson. Ouais, je te comprends. Vous pouvez aller les liker sur Facebook, We Are Enfants Terribles. Sinon, il y a weareenfantsterribles.com et myspace.com/weareenfantsterribles. Voilà pour le poste d'écoute présenté par Rassemblage. Wow, ça fait juste bien. Ben oui, c'est comme si j'avais accéléré ma cadence, mon débit de pour réussir à arriver dans la pièce. Ça paraît pas du tout, ça. Non. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est l'émission matinale, comme vous le savez, en pièces détachées. Tout à l'heure, on a Simon Fitzbé qui s'en vient. Mais avant ça, François, qu'est-ce que t'en penses si on s'en va entendre du Ariel? Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu Ariel, et même à Assemblage Requis. Mais très bonne idée, Mathieu. Ben, ça fait plaisir que tu m'aies amené l'idée tout à l'heure. Est-ce que t'avais une pièce en tête? Non, en fait, là... Ben, allons retourner dans le passé un petit peu avec la chanson « Méfie-toi, Méphisto » au 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Et je pleure. Contre le nez, et je pense aux enfants du tiers-monde, qui vont naître contre leur gré, j'imagine une fleur sur la tombe, d'un soldat qu'on a égaré, sous les cadavres et les décombres, de tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons. De tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Orange et je pleure au 89.1 FM, c'est fou, hein? François, ça le fait chanter, cette chanson-là. Chantais ce matin. Oui, tu pleurais pas? Hein? Tu pleurais pas? Non. T'étais content? J'étais content. Ou elle te fait rire de plaisir? Non, j'étais content. Okay. Pour rire de plaisir, puis non, je pleurais pas. Bon, ça va faire les émotions, hein? Les vrais gars virils, on va parler de vraies affaires. On pourrait parler de faits. OK. Oui, c'est la chronique très, très virile, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables où on se partage des connaissances générales. Oui. Oui, c'est comme du trivia. C'est un échange. Oui, c'est un échange de cadeaux. Ah oui. Commençons avec quelque chose que j'adore, moi. En tout cas, j'aimerais en faire partie. Un jour, peut-être que je me botterai les fesses pour en faire partie. Le Procrastinators Club of America. Le club de procrastination américain. Ils ont une newsletter, c'est une petite lettre de nouvelles qu'ils envoient à leurs membres. Elle s'appelle la Last Month's Newsletter, la lettre du mois passé. Parce que c'est des procrastinateurs. Ils remettent à plus tard. Fait que c'est la lettre du mois passé qui t'envoie. Popé. Je devrais être membre de ça, mais comme je te dis, ça peut-être plus tard. T'es pas quelqu'un qui procrastine non. beaucoup. Dans ma vie personnelle, oui. Ça, au travail, non. Non, c'est ça. Puis dans ta vie personnelle, écoute, c'est bien correct là, aussi. Là, ben oui, puis je pense que les gens prennent plaisir à procrastiner. C'est le fun. Ben oui, puis c'est correct comme ça aussi. Pourquoi faire tout de suite ce qui peut facilement être mis à plus tard? Ah ouais. Vraiment. Bon, prochain fait, l'acteur Barry Fitzgerald a été nominé aux Oscars en 1945 pour meilleur acteur et pour meilleur acteur de soutien pour avoir joué un rôle dans Going My Way. Il a gagné le deuxième, donc meilleur acteur de soutien, mais ça aurait pu arriver, gagner les deux prix. Les règles ont été changées après ça pour empêcher que ça arrive une autre fois. Donc, on ne peut plus maintenant être nominé dans deux catégories. Ah! Eh bien, je savais pas ça. Non. Ça a été super le fun d'avoir un gars nominé aux deux places. Ça aurait été cool. C'est un fait intéressant. Hein? On peut pas. On peut pas. You can't. On estime qu'entre 15 et 20% des gens qui reçoivent des cartes cadeaux les utilisent jamais. Ils s'en servent pas. Combien de pourcents? 15 à 20%. Ah oh ouais, c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Ah oh ouais. Une carte cadeau, c'est toujours... Ça se prend bien, je trouve, moi. Mm. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas recevoir ça. Mais moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. À la place de faire semblant d'aimer le cadeau que je reçois... Non, mais c'est ça. À la limite, tu choisis ce que tu veux. Là. Voilà. Même si le magasin te plaît pas, je suis pas mal sûr que tu peux trouver quelque chose. Probablement. Le pôle Nord magnétique, qui avait déjà été situé au-dessus du Canada, est maintenant rendu dans l'océan Arctique et déménage lentement vers la Russie. Le pôle Nord magnétique. Ah, ouais. Vers la Russie, je savais pas ça. Je savais pas moi non plus que ça pouvait bouger. Moi non plus. Tu savais que les frites aux États-Unis, ils appellent ça des French fries? Mm-hmm. Ouais, des frites françaises. Mais le French, évidemment, des frites French fries ne vient pas du pays, mais plutôt de la façon que les frites sont tranchées. C'est une coupe à la française. Oh. Les frites ne viennent pas de France. Étonnamment pour les Américains. Hein? Eux qui voulaient renommer les French fries en Freedom Fries quand les Français voulaient pas appuyer ou soutenir, je sais pas quoi, par rapport au 11 septembre. Plusieurs futures mères qui sont des vedettes, c'est des mères vedettes là, finissent par se faire une césarienne, que ce soit médicalement nécessaire ou pas, juste pour rentrer plus facilement dans leur horaire. Parce que c'est donc difficile l'horaire d'une vedette, que c'est moins long de faire une césarienne, même si c'est pas nécessaire. C'est moins long, c'est quoi, ça fait moins de ravages? J'ai aucune idée. Le temps de récupération est moindre? Probablement ça. J'imagine que les contractions et tout ça, je sais pas s'il faut attendre aussi longtemps. T'sais, quand t'es enceinte, ça peut prendre plusieurs heures avant de finir par accoucher. Ça peut être long. Une césarienne, je sais pas comment ça range cette affaire-là, mais ça prend moins de temps. C'est ce qu'ils disent. Oh! C'est un peu stupide, mais bon. Un peu beaucoup, en fait. Je veux dire, à un moment donné, si tu as un enfant, c'est quelque chose d'assez important dans ta vie. Là. Je pense que tu peux mettre ta job de côté deux minutes. Là. Ben, bon. Ouais. Parce en tout cas. Si t'as pas le temps de l'accoucher, t'auras pas plus le temps d'en prendre soin, mais bon. Non, mais au moins, tu vas avoir participé à cette étape-là. Puis après ça, tu laisseras la nounou faire le reste pour le reste de sa vie. Oh, ouais. Ah. À Taïwan, il y a un restaurant qui est sous la thématique des toilettes, François-Olivier. OK, tu manges dans des toilettes? Tu manges sur une toilette. Ah. C'est le restaurant Modern Toilet, vas-y. Non, je trouve pas ça cool. Non, tu vas trouver ça encore moins cool avec les détails. C'est vraiment détestable en fait comme endroit. Donc, chez Modern Toilet, chaque client s'assoit sur une toilette et mange sur ta table dans le fond. C'est comme un lavabo, genre avec une table par-dessus, une table de vitre, une genre de plaque de vitre par-dessus le truc. Et tu bois dans un urinoir miniature. Bien sûr, la nourriture, c'est de la vraie nourriture, du poulet frit, des pâtes, etc. Ils ont des desserts aussi, mais leurs desserts sont tous stylisés pour ressembler à du caca. Oh. Oui, c'est pas dégueulasse. Donc, on dit ici de la crème glacée en forme de caca, servie dans une toilette miniature. La saveur chocolat s'appelle diarrhée. La saveur fraise s'appelle... ça s'appelle caca ensanglanté. Et bon déjeuner, tout le monde. Ouais, non, pas sûr que j'irai là, moi. Moi non plus. Non. C'est une expérience à vivre, là. Tu y vas une fois, puis ça retourne pas. C'est le facteur nouveauté de la chose, je sais pas. Ça pourrait faire mieux. Tu payes pour ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui. Il mérite. Ben oui, mange-la. Ça fait une belle. C'est sûrement leur slogan. Mange-la, non. Dans Histoire de jouets, tu te rappelles le film Histoire de jouets, petit film indie rock. Donc, les titres de plusieurs livres sur les tablettes de Andy dans le film sont des hommages à d'anciens films de Pixar. Ah! dans sa bibliothèque, dans sa chambre. Donc, si on regarde de très, très près, on peut voir la reliure de chacun de ces livres-là. Et c'est en hommage au court-métrage du début de la carrière de Pixar. Il y en a un qui est The Adventures of Andre and Wally B, qui date de 1984, le premier court-métrage de Pixar, avant même que le nom de la compagnie soit Pixar. C'est quand même assez tôt dans leur vie. Hein. Red's Dream, de 1987, le seul court-métrage de Pixar à ne pas avoir été... de ne pas être sorti en même temps qu'un film, parce que la plupart de leurs court-métrages sortaient en lien avec un film qui était à l'affiche à ce moment-là. Tin Toy, en 1988, qui était le premier film généré par ordinateur à avoir gagné l'Oscar pour meilleur court-métrage animé et aussi le premier gagnant d'Oscar de Pixar. Et finalement, Knick Knack, de 1989, complètement refait re-render, là, qu'on appelle les graphiques par ordinateur, ont été remaniés pour avoir l'air encore plus beau, qui est sorti en même temps que Finding Nemo. Le re-render, là, pas l'original, ouais. 1989. Autre fait intéressant, l'auteur de Tin Toy sur la tablette réfère à John Lasseter de Pixar, qui a écrit et réalisé les trois derniers courts-métrages et qui a fait toute l'animation pour The Adventures of Andre and Wally B, dont j'ai parlé tantôt. Lasseter a aussi réalisé et écrit les deux premiers films de Toy Story, ainsi que A Bug's Life et Cars, c'est bagnole et vie de bestiole, je crois. Il a plus récemment écrit le film Toy Story 3 et réalisé la future suite de Pixar, Bagnole 2. Et Bagnole 2, c'est super. Allons-y avec deux faits rapides. Maintenant, l'inventeur de la super glue, la super colle, Eric Hoover, est décédé récemment samedi. Oh. Mais je savais pas que ce gars-là était encore en vie. Je pensais que la super glue, ça existait depuis extrêmement, extrêmement, extrêmement longtemps. Mais non, c'est une invention assez récente. Dans les années 80, il y a un produit nommé Vision Deter Glasses, donc des lunettes Vision Deter, qui devait vous enlever l'appétit en rendant la nourriture que tu regardais pas appétissante. Vision Deter Glasses. Allez voir les photos sur... Assemblage Reiki. Sur assemblagereiki.com, évidemment, sur un Internet qui fonctionne. J'espère que le vôtre, c'est le cas. Moi, ce n'est pas le cas. Bref, c'est ça. Mais des lunettes qui rendaient la nourriture pas attirante. Je sais pas si c'était en changeant les couleurs ou en rendant ça tout croche, tout flou. Sur le genre. C'est pas super idée, mais en même temps, c'est parce que tout le reste aussi a l'air à feu dans ta vie. Ouais, c'est ça. Moi, sûr que tu te présentes devant la bouffe, tu mets tes lunettes. Hashtag-ling! Hashtag-ling! Nintendo a été poursuivi en l'an 2000, donc en 2000, parce que les mini-jeux dans Mario Party, il y avait des mini-jeux où tu devais faire tourner le joystick, tu te rappelles? Ouais. Ça causait des blessures. C'était cool, ça. Oui, c'était cool. Mario Party, toute la série est vraiment cool. Et d'ailleurs, ils ont sorti très récemment Mario Party 2 sur la console virtuelle de la Wii. Parce que sur la Wii, tu peux jouer à des jeux Nintendo 64 et Super Nintendo et les autres. Il y avait déjà le premier Mario Party, le deuxième vient de sortir, si ça vous intéresse. Donc, Nintendo a été poursuivi en 2000 à cause des mini-jeux de Mario Party où on devait tourner le joystick. Ça causait des blessures aux enfants. Donc, résultat de la poursuite, le géant des jeux vidéo a dit qu'il allait accorder 80 millions de dollars en gants protecteurs pour les propriétaires du jeu et un autre 75 000 pour le coût de l'enquête, donc par rapport à cette situation-là. Nintendo voulait même fournir jusqu'à quatre gants sans doigts. Donc, c'est des gants pas de doigts. C'est juste pour te protéger la paume de la main quand tu t'accroches à la manette. Ils en donnaient 4 par famille qu'ils demandaient, donc ceux qui avaient acheté le jeu. Ah ouais? Oui, oui. Selon le porte-parole de Nintendo, la porte-parole Beth Lulin, la compagnie a vendu plus d'un million de copies de jeu l'année précédente et a reçu environ 90 plaintes qui n'étaient pas sérieuses en tant que telles, ces plaintes-là. OK. Donc, voilà, un jeu de Nintendo 64, si vous en souvenez. Ah oui? À un moment donné, tu peux arrêter après un certain bout de temps. Puis, idéalement. Obligé de jouer de la journée. Non. Mais bon. Est-ce qu'on termine avec un dernier fait? Tiens, une auteure qui a tatoué mot par mot un livre sur la peau de 2095 bénévoles. Des gens qui se sont... des volontaires, si on veut, qui ont dit oui à ça. C'était en 2003, Shelley Jackson, qui a appelé au-dessus de 2000 participants pour chacun être un médium physique, un média physique, si on veut. Pour son livre qui allait être produit plus tard. Sur les corps des gens, son livre allait être produit. Voilà. Donc, le livre s'appelle Skin et il existe seulement sous cette forme-là. C'est pas un vrai livre. Surtout vu qu'un des sujets de Jackson est décédé il y a quelques années. Donc, maintenant, c'est il manque une page. Ouais, il manque une page. Ben, un mot à ce livre-là. C'est vraiment juste un mot par personne. Ah, c'est un mot. OK, je pensais que c'était une page. Non, 2095 mots différents. Ben, je sais pas s'ils sont tous différents en tant que tels. Ouais, ça doit revenir. Là. Et comme mise à jour après ça, plus tard, on dit que Jackson a envoyé un courriel à 200 de ses mots. Elle les appelle chacun ses mots. Salut mon mot, c'est vraiment mon mot. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange et freak pas mal. Pour demander à chaque personne d'enregistrer une vidéo d'eux-mêmes en train de montrer leur tatou et de dire le mot. Et à partir de ces 200 mots-là, Oh, ça, c'est cool, par exemple. Elle voulait créer une autre histoire de 895 mots en utilisant seulement ces 200 mots-là. Donc, c'est les mêmes mots que dans sa précédente histoire, mais elle refait une histoire. C'est spécial, hein? D'ailleurs, il y a une vidéo sur le site assemblagerequis.com, évidemment, dans l'article. Une vidéo d'un de ces mots-là. Le gars, il s'est fait raser. Pas sur la tête. Oui, ben un peu à l'endroit que t'aimes pas trop regarder sur ta tête à toi-même. Cet endroit. Lui, il l'a fait. Ben moi non plus, non, sérieux. Mais il s'est vraiment rasé ça, François, volontairement. Il a écrit le mot « dead » dedans. Sur la tête. Sur la tête. Il s'est lui-même rasé l'endroit où personne ne veut vraiment... qui n'a pas de cheveux, tu sais. Où mes cheveux commencent à être une denrée rare. C'est ça, c'est ça. J'en parle de plus en plus, moi aussi. C'est, on avance dans la... On s'en va là, Mathieu. On s'en va là. On va devenir des vieux pépères encore en train d'admirer le matin. Yes, donc voilà pour la collecte, c'est un fait aujourd'hui. Et François, il y en aura une autre la semaine prochaine. Pas demain, hein, parce que demain, on n'est pas là. Tomorrow's Friday. On peut se lever tard. Oui. Chante pas la chanson de Rebecca Black avec moi. Non, hey, je l'ai pas entendu, ça. C'est la pire chanteuse. Là, c'est ce qu'ils disent. Là. Oh. Sérieux, je pense que la nouvelle était sortie il y a à peu près 3 semaines, de cette vidéo-là. Ouais, je sais que ça fait un petit bout. Là. Les gens commencent à s'en rendre compte, parce qu'à un moment donné, les médias commerciaux en parlent. Toi, tu l'as écouté? Ah, je l'ai écouté, ben, je veux dire, c'est de la chanson. Ben, c'est pas pire que Miley Cyrus, là. Okay. C'est pas pire que n'importe quelle petite pop de Disney, là. C'est pas, ben, c'est pas pire. Ben, c'est pire. Sa voix est un petit peu agressante. Elle a une voix un petit quelque chose gossant dedans. Puis les paroles sont vraiment complètement insipides et sous vide de sens. Elle se dit amoureuse de Justin Bieber. Exactement. Ça, elle aimerait le rencontrer, faire un duo avec lui. Je sais pas si lui va renvoyer le compliment. Hein? Mais non, mais ses paroles. Ça va se faire. Ben, probablement. Sûrement que si un média les paye, ou en tout cas, s'il y a une opportunité de faire de la pub avec ça, ça pourrait marcher. Mais non, ses paroles, c'est genre. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, c'est samedi, puis après ça va être dimanche. T'sais. C'est juste ça? Ben, genre, il faut qu'elle se rende à son arrêt d'autobus, puis là, voit ses amis. Oh, est-ce que je devrais m'asseoir en avant ou en arrière? En avant ou en arrière? Puis il y a un rappeur. À un moment donné, il y a un rappeur dans la chanson, pour vrai. Ah ouais? Parce que pour vrai, pour faire propre. Je pourrais aller l'écouter. C'est sur YouTube, ça? Ouais, c'est partout, en fait. Ouais, sur YouTube, entre autres. Tu tapes Friday. Friday, c'est sûr que c'est le premier résultat. Ça juste pas. Mais c'est produit par une compagnie que tu peux les payer. Dans le fond, je sais pas si c'est genre 10 000 $ tu payes cette compagnie-là, puis ils te font un vidéoclip. Puis tout ça, c'est super bien produit. C'est très professionnel. Ah ouais? Ah, ben c'est vraiment bien. Okay. En HD et tout, là. Ah ouais? Mais c'est ça. Puis ils l'ont fait avec plusieurs autres. Vous allez voir les autres vidéos de Arc quelque chose, la compagnie qui a fabriqué ça. Il y en a d'autres petites futures vedettes wannabe pop, là, qui ont tous. Que ses parents ont beaucoup d'argent. C'est ça, c'est des enfants de riches. Ils ont toutes plus l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Les unes que les autres, oui. C'est le domaine. Bon. Vive la musique pop, hein? Oui. Et notre domaine, c'est notre créneau. Nos auditeurs, c'est ça qu'ils veulent entendre du Friday. Je veux même pas jouer l'extrait. crime, mais quand même, on regarde ça, là. Le temps passe. Ça va vite, hein? Ça va vite. Le temps passe vite. Déjà, 8h02, ça va être la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On vient tantôt avec Simon Fizbé, sa collègue Phénomène. Oui, et puis on fait tirer des céréales, on fait tirer des laissez-passer pour le cinéma aussi. Oui, tout ça et plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? On parle un peu de la grève. La grève. La grosse grève aujourd'hui, là, on vous tient au courant. Tout à l'heure. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 31 mars 2011, jour de grève. Aujourd'hui même. Oui, moi c'est Mathieu Plante. François-Olivier Marchais. Oui, deux joyeux gens dans cette grève. Gens, mais ben, c'est un mot, moi j'aime ça, prononcer ça, gens. Et tu connais le dicton, Mathieu? Non, le gars. J'aimais 203. Ah, OK, dans le sens que tu veux qu'on amène quelqu'un dans notre duo mémorable pour venir améliorer un peu la chose, finalement, c'est ça? Exactement. Genre, Simon Fizbé, ça va-tu? Ça me va à merveille. OK, bon, ben voici Phénomène d'abord. Simon, Non, c'est comme l'ingrédient qui fait lever la sauce. C'est quoi? C'est du cornstarch? La levure. La levure. Ah oui. Tu fais lever la sauce. Tu rends plein ça en dessous. Je suis un corps gras. Oui, oui. T'es un corps gras. Ah, c'est beau à voir comme image. Et donc, Simon Fitzbay avec sa collègue Phénomène à chaque semaine. Tu nous racontes l'histoire du rock. Oui. Oui, et là, c'est les Yardbirds. Et en fait, tu commences une série suite logique. Oui, et on va voir pourquoi à la fin de l'émission du jour. Mais oui, aujourd'hui, les Yardbirds. Écoutez, peu de groupes dans l'histoire du rock peuvent se vanter d'avoir été l'incubateur d'autant de talents. Un groupe dont les membres se sont illustrés après leur départ dans les plus hautes sphères du rock. Malgré tout, lui-même reste un mystère pour la plupart des gens qui s'intéressent pas nécessairement à cette période spécifique du rock que sont les années 1960. On verra donc aujourd'hui un des groupes dont la réputation s'est basée autour d'un instrument bien précis, la guitare. Nous parlons ici des Yardbirds. L'histoire des Yardbirds débute en mai 1963 alors que le guitariste et bassiste Chris Drea, le guitariste Anthony Topham et le batteur Jim McCarty se sont joints au chanteur Keith Relf et au producteur bassiste Paul Samuel Smith au sein du groupe Metropolitan Blues Quartet. Le groupe devient une attraction locale dans la banlieue sud de Londres et décide de changer son nom pour The Yardbirds ou Les Volailles en bon français. C'est moins joli, hein? Ouais. Ouais, c'est Yardbirds, c'est mieux. L'appellation britannique est meilleure. Pas mal. Donc, c'est en septembre de la même année que le groupe change de nom. Un mois plus tard, Topham quitte le groupe pour être remplacé par un certain Eric Clapton. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Clapton. C'est-tu l'affaire? Pour éteindre les lumières, là, le clap-on, je pense. Le smart clapper. Smart clapper, c'est ça. Donc, vous êtes presque là. avec Eric Clapton, il s'agit donc du début de la première formation classique des Yardbirds et du mythe entourant les guitaristes. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Les Yardbirds trouvent un agent en la personne de Giorgio Gomelski, qui est gérant du Crawdaddy Club, un club où le groupe s'est illustré. Il est responsable également pour la signature des Yardbirds sur l'étiquette Columbia, appartenant à EMI, et enregistre le premier album Five Live Yardbirds au célèbre Marquee Club de Londres. Donc leur premier album était en concert. Le groupe avait alors un fondement pur dans le blues, ce qui a intéressé le chanteur harmoniciste blues Sonny Boy Williamson II, qui est bizarrement pas le fils de Sonny Boy Williamson I. Ce qui aurait été logique, mais... Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, tu vois, c'est plein de belles histoires. Lui va les inviter en tournée européenne, donc en première partie. Et de retour de cette triomphante tournée, ensuite, les Yardbirds enregistrent deux simples pop, I Wish I Would et Good Morning Schoolgirl, qui ont un certain succès sur les palmarès pop locaux. Par contre, ce virage pop ne plaît pas vraiment au puriste qu'est Eric Clapton. Il voulait que les Yardbirds restent près du blues et il ne s'entend plus avec le reste des Volailles qui veulent le succès et la gloire. Il quitte donc les Yardbirds alors que le groupe s'apprête à lancer son troisième simple, celui qui a apporté le plus de succès et la gloire, c'est-à-dire For Your Love. Et ici, normalement, la chanson partirait, mais il va falloir que François utilise son super clapper pour arrêter la musique de fond. Wow! OK. Yeah. Si tu tapes une autre fois, je suis sûr que tu vas partir la pièce. Ouais. C'est là, ben, c'est parfait. C'est ça, ben là, vas-y, le temps. À la machine. For your love. For your love. For your love. I'd give you everything and more, and that's for sure. For your love. I'd bring you diamond rings and things right to your door. For your love. To thrill you with delight. Give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. For your love. Les Yardbirds avec la pièce For Your Love. Bien sûr, on écoute ceci dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Allô. Et moi, bonjour. Je suis Simon Fidel. Salut, Simon Fidel. Bonjour. Et donc, For Your Love est le premier numéro 1 des Yardbirds et il l'établit comme une sensation pop incontournable avec son style rave-up, un style de rock énergique et de party. Clapton, pendant ce temps-là, lui, se retrouve au sein des Blues Breakers, oui, de John Mayall, avant de former son propre groupe, Cream. Avant de quitter les Yardbirds, Clapton avait suggéré au groupe de prendre Jimmy Page, un jeune guitariste de talent qui gagnait sa vie comme musicien studio pour différents artistes. Malheureusement pour eux, Page considère son job payant et beaucoup trop stable pour aller au sein d'un groupe en fait qui est continuellement tourné. Il refuse donc le poste de suggérant un certain Jeff Beck qui se retrouve comme guitariste solo du groupe seulement 2 jours après le départ d'Eric Clapton. Donc ça a été très très rapide. Jeff Beck est le second guitariste de talent au sein du groupe et renforce du même chef le mythe des guitaristes associés aux Yardbirds. Le style de jeu de Jeff Beck est très sauvage et sa recherche continuelle d'un son plus agressif, est un véritable moteur créatif pour le groupe et qui produit des pièces innovatrices beaucoup plus près du rock and roll et du beat britannique. Le groupe lance des pièces telles que Artful of Soul, Shape of Things, Turn into Earth, ainsi que Farewell, et également une reprise de la pièce I'm a Man originalement, de Bo Diddley. Le groupe enregistre un album, The Yardbirds Album, en 1966, et pour couronner la célébrité du groupe, Jeff Beck est nommé meilleur guitariste solo d'Angleterre pour l'année 1966 par le magazine Beat Instrumental. Une pièce qui marque donc l'ère Jeff Beck au sein des Yardbirds, la pièce Heartful of Soul. Franchement, une très très bonne pièce. Bien sûr, dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Mm-hmm. Et tout présenté par Simon Fitzbé. Oui. Le seul. Et l'unique. Oui. On regarde dans le bottin, il y en a juste. Pour vrai, il y a juste un Fitzbé. En fait, là, je suis pas dans le bottin. Non, à Trois-Rivières, on est deux, mais il y en a à Shawinigan, mais on les connaît pas. Ma famille est pas proche de leur famille, parce qu'on se connaît pas. OK, ah ben, intéressant. Ma généalogie est spéciale. Oui. Donc, après l'enregistrement de l'album, bien sûr, on parle de Yardbirds album, Samuel Smith, qui était bassiste de la formation, décide d'abandonner son rôle pour se consacrer à la production d'albums. Donc, il a bien aimé travailler avec le producteur et c'est ce qui lui a donné la piqûre. C'est Jimmy Page, fatigué de sa job de guitariste studio, qui comble le poste de bassiste avant de changer de place avec Chris Rea et devient guitariste aux côtés de Beck. C'est l'arrivée du troisième guitariste mythique de la formation. Fort de ce duo de guitaristes, le groupe solidifie encore plus sa place au sein de la scène beat. Le groupe flirte avec le psychédélisme et la pièce « Happening 10 Years Ago ». C'est comme tout mélangé, hein? Qui joue donc sur le psychédélisme. Oui. Et ils vont jouer également dans le film Blow Up de Michelangelo Antonioni qui est en remplacement des Who, en fait, puisque les Who avaient refusé de participer au film. La scène dans laquelle le groupe interprète la pièce Stroll On est un véritable document d'archives qui nous présente la rage scénique de Jeff Beck et le calme et l'aisance de Jimmy Page. Yardbirds. Stroll On the Yardbirds, donc, qui se retrouve dans ce film de Michelangelo Antonioni. Oui, on dirait quasiment un gros Antonioni. Antonioni. Qui se retrouve dans ce film Blow Up. Scène à voir quand même. Il faut aller voir ça sur YouTube. On voit les Yardbirds qui jouent. Et Jeff Beck qui brise sa guitare d'une façon très, très convaincante. Et là, bien sûr, il y a un petit cynisme là-dedans. On voulait qu'il imite Pete Townshend des Who, mais ça a comme... plus ou moins bien fonctionné. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà, c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, avec Mathieu Plante, François-Olivier Marchand et moi-même, Simon Fitzbé. Le seul. Et l'unique. Ouais. Donc, on n'est pas un petit peu redondant dans la façon de dire ça. Il faudrait trouver des nouvelles... façons d'enchaîner. Exact. Hey, Yo Sim. Yo. Continue, yo. Hein. Oui. Donc, à l'époque, comme je l'ai raconté avant qu'on écoute la pièce, on était avec deux guitaristes solo, Jeff Beck et Jimmy Page. Malheureusement, ce duo-là n'a pas eu une vie très longue puisque Jeff Beck est renvoyé du groupe en octobre 1966, seulement quelques mois après l'arrivée de Jimmy Page. Page devient alors le seul guitariste de la formation qui reste quartet maintenant. Et il mène le groupe plus loin dans l'expérimentation et dans le psychédélisme. Malgré les talents de Page et le rock solide qu'offre le groupe au public, celui-ci ne s'intéresse plus vraiment aux Yardbirds. Alors que les simples sont de moins en moins populaires, et en Angleterre, bien sûr, ainsi qu'aux États-Unis. Le groupe reste une attraction sur scène, mais leurs disques vendent de moins en moins. Après la sortie de Little Games, qui n'arrive pas à monter dans les palmarès, EMI décide de ne plus lancer de disques du groupe en Angleterre. C'est également ce genre d'insuccès aux États-Unis qui va emmener la même chose. On avait lancé la pièce Ten Little Indians, une reprise de Harry Nilsson aux États-Unis à l'été 1967, et malheureusement, ça a été un gros flop. Le groupe continue quand même la tournée en 1967 et s'embarque pour les États-Unis avec Peter Grant comme directeur de tournée. Retenez ce nom, ça va être important plus tard. Leurs concerts sont alors très heavy et on joue avec l'expérimentation sur scène. Le groupe joue ses grands succès et enregistrés à l'époque de Jeff Beck ainsi que certaines reprises de tendance mises à la sauce Yardbirds. Donc on reprend les groupes qui viennent de lancer des simples, on fait leurs pièces et on l'adapte. En 1968, le groupe est de moins en moins uni. Keith Relf et Jim McCarty se rapprochent de la scène folk alors que Chris Drea s'intéresse de plus en plus à la photo. Jimmy Page, pour sa part, tient à garder le son lourd, véritable signature du groupe. On peut entendre ces divergences dans le dernier simple enregistré par les Yardbirds, Good Night, Sweet Josephine. Et j'ai pas besoin de vous dire que ça aussi, ça a été un autre flop. Après une dernière tournée en 1968, Relf et McCarty quittent le groupe pour former Renaissance, un groupe folk progressif qui a connu un certain succès dans les années 1970. Drea, qui est resté un peu plus longtemps au sein des Volailles, l'a également quitté pour devenir photographe rock. Page, par contre, ne laisse pas tomber les Yardbirds pour autant. Il convainc le directeur de tournée Peter Grant de devenir l'agent du groupe et part à la recherche de nouveaux musiciens pour former un groupe sous le nom des New Yardbirds. Il découvre Robert Plant, un talentueux chanteur inconnu qui suggère John Bonham à la batterie. Et finalement, John Paul Jones, un ancien collègue studio de Page, se joint aux nouveaux Yardbirds à la basse. Quelques semaines plus tard, les New Yardbirds ont décidé de rompre avec le passé et changent de nom pour devenir Led Zeppelin. Il s'agit bien sûr de Led Zeppelin, les New Yardbirds, avec Jimmy Page à la tête, au lead, bien sûr, de à la guitare. Et le restant de Led Zeppelin avec lui. Alors, donc, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham. Les petits noms. Ouais, les petits noms. Les petits noms. C'était la chronique Phénomène de Simon Fitzbé qui va continuer la semaine prochaine avec Led Zeppelin. On transitionne. Exactement. On a décidé de rester logique. C'est très, très logique, en effet. Mais t'es un homme logique. Oui, j'essaye. C'est une qualité. Oui, vraiment, c'est une qualité. Donc, on te retrouve jeudi prochain à 8h pour une autre chronique Phénomène. Mm-hmm. Sinon, il y a la journée Simon Fitzbé ou la Simon Fitzday. C'est quand? Simon Fitzday. C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. C'est comme ça que ma copine appelle le jeudi maintenant. Oh. Et Mathieu Plante, là-dedans, lui, elle l'appelle comment? Elle l'appelle pas. Tant mieux, parce que j'aurais pas répondu. Bon. Donc, les jeudis matin, c'est évidemment ta chronique Phénomène. Mm-hmm. Sur l'heure du midi, c'est le scoop des internets. Cette semaine, il n'y en a pas. Par contre, c'était hier. C'était hier, ouais. Voilà, Daniel est absent cette semaine, il va de retour lundi. Donc, c'est pas le Simon Fitzday. Pas aujourd'hui. Hey, crime, je suis rendu plus. C'est plus hot que moi. Gradé, là. C'est ouais, ça. C'est ta journée, profite-en, c'est ton moment. J'ai essayé de pas trop te faire honte. En soirée, ton émission à propre à toi, là. Le oui. Salaire du moment, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? On va probablement continuer notre je dirais pas hommage, mais une série Godspeed You Black Emperor, puisqu'ils vont être en concert à la fin du mois d'avril. Et malheureusement, il ne reste plus de place. Oh. Donc, on va présenter des pièces pour les gens qui, comme moi, pleurent de pas le fait de ne pas avoir acheté des billets. Attends. C'est triste. Oui. La prochaine fois, t'apprendras tes erreurs. Ouais, il aurait fallu que j'y aille la première journée. C'est ça. Donc, voilà pour le Simon Fitzday. T'as aussi le vendredi à Rock Classique et la chronique... L'éphéméride du rock. L'éphéméride. Oui, on a déjà fait ce petit concept-là de faire le son nous-mêmes. Là. Ça a été un échec total. Mais quand même. Ouais, c'est très peu. Donc, ça, c'est les vendredis vers les 11h. À la semaine prochaine. Et puis, de toute façon, toi, tu restes avec nous pour un petit bout encore, c'est ça? Ouais, on va essayer de parler politique en l'absence de François Landry. François Landry nous manque aujourd'hui. Il va être de retour la semaine prochaine. Ouais. On espère. Et nous, on va être de retour après la pause. C'est fou, là, vous avez. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. C'est toujours votre émission matinale, Assemblage requis. Il nous reste encore une demi-heure ensemble. Avant de continuer l'émission en musique et en politique et en quoi d'autre, plein d'affaires qui se passent en ce moment, dont la grève. Oui, la grève ici même à l'UQTR. Eh bien, on a des concours pour vous. Oui, oui, oui. Écoute, on fait... est-ce qu'on fait les deux concours en même temps? Le premier qui appelle décide du prix qui gagne. OK, c'est un peu plate pour la personne qui va suivre après. On peut faire un combo, par exemple. On va faire un combo. Ça, je crois que ce serait vraiment une très, très bonne offre. J'aime ça, ouais. Parce qu'on a d'un côté dans ma main... en fait, pas dans ma main parce que c'est trop lourd. T'as rien dans tête. Non, il n'y a rien. Il y a la transparence. Hein. Dans ma main gauche, disons, là, imagine-toi un sac cadeau avec des boîtes de Cheerios dedans. OK. Et des certificats cadeaux pour acheter d'autres céréales de la grande famille General Mills. OK, merveilleux. Ça vaut 50$, c'est dans ma main gauche. Parfait. Imagine-toi maintenant ma main droite. Ouais, là, il n'y a rien non plus. Là, non, mais... imagine-le. Ouais. Il y a des billets pour aller voir le film Insidieux par les créateurs d'Activités paranormales. Au cinéma. C'est au cinéma Fleur de Lys à 3h. C'est aujourd'hui aussi que ça se passe? Ce soir. Parfait. Les céréales, vous pouvez les manger demain, si vous voulez. Oh oui, demain matin, après-demain. Si vous voulez toutes les manger d'une journée, vous pouvez... Les céréales, le soir, c'est bon aussi, par exemple. Oh oui, c'est tout le temps pratique. Toujours pratique. Donc ça, c'est Insidieux. Et puis 50$ de céréales. On vous donne ça à la personne numéro 3 à nous téléphoner au 819-376-5183. Ça vous va? Oui, 819-376-5183. On attend votre appel pendant qu'on écoute « On a créé un monstre » au 89 FM, c'est fou. Un monstre et la pièce Je pleure ou je ris. C'est un extrait du palmarès francophone sur l'album L'Iceberg à Assemblage requis. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on attaque le sujet de la politique? On pourrait. OK, bon, parlons de politique. Simon, par quoi on commence? Bonne question. C'est toi qui veux qu'on parle de politique. Ben, je sais pas, François-Olivier, tantôt, voulait parler de la grève. Fait qu'on pourrait s'attaquer avec ça. C'est journée de grève aujourd'hui, ici à l'UQTR. En fait, j'aimerais savoir peut-être ce que vous en pensez, vous. Jeune homme? On commence avec Mathieu, très politique. Il est juste tellement un gars politique. Non, je sais pas quoi penser de ça, sérieusement. Ça, les deux côtés, j'ai discuté avec des gens des deux côtés. Mm-hmm. Et puis, je suis vraiment très partagé. Je vois un bord, je vois l'autre, je fais comme « Ah, ça a du sens! Ah, ça a aussi du sens! Ah, attends, je comprends plus, tu sais. » Ouais. Mais ce que je trouve particulier, moi, c'est que, c'est ça, il n'y a pas une levée de cours. Non, il n'y a pas de levée de cours officielle. L'UQTR, en faisant ça, cautionne pas vraiment la grève. Ouais, c'est ça. Ce qui est logique aussi, parce que, bon, eux autres sont des organes du gouvernement, puis bon, on se plaint pas contre le gouvernement. Et en fait, aussi, je dois dire qu'il n'y a pas eu nécessairement une demande claire de grève. Tu sais, la semaine passée, il y a eu une assemblée générale où il y avait à peu près 110-120 personnes, et là-dessus, il y en a 70 qui ont voté pour ou contre la grève. C'est ça, c'était vraiment très serré. C'était très serré. C'était une question de 5 ou 6 votes, là. Qui... Ouais. Et il y a eu un autre vote de grève hier, en fait, qui était organisé par des gens qui ne voulaient plus de grève, qui voulaient briser la grève. Malheureusement, ça a pas. Ben, malheureusement pour eux. Parce ouais, que, c'est ça. Moi, je reste. Heureusement pour les autres. Ouais, j'essaie de rester le plus impartial par rapport à ça, parce que j'ai voté au premier, j'ai pas voté au second. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement la meilleure des idées. Surtout que c'est en affiliation avec l'AC. Je veux dire, l'AGE s'affilie pas avec l'AC comme tel, mais c'est une grève qui est mise sur pied, une manifestation à Montréal qui est mise sur pied par l'AC, qui ont tendance, eux, à être assez radicales dans leur... Du grabuge, peut-être. Ouais, il y a du grabuge qui a déjà été fait dans le passé. On peut se dire que... Ça pourrait se répéter facilement. Ouais. Et bien sûr, faut pas nécessairement mettre le tag sur l'AC. C'est pas eux autres qui disent « allez faire du grabuge », mais il y a des membres qui sont assez assez graves au ben sein oui. de cette association-là. Assez grave. Ce que je trouve dommage aussi par rapport à la grève, on en parlait tantôt hors d'onde, c'est que l'UQTR, c'est une université de région. Et là, on s'en va manifester à Montréal. La grande ville. La grande ville. Et on s'éloigne un peu de notre réalité, justement, de région. Ouais. C'est à la place de dire « on va faire une alliance avec le Cégep, avec les syndicats de Trois-Rivières. On va aller manifester avec tout le monde à Montréal, avec l'UQAM, l'UM, hein? À place justement de se dire on va manifester dans notre coin, on va vraiment montrer c'est aux gens de la place, c'est quoi qui arrive, les sensibiliser. On a décidé tout simplement de d'emboîter le pas et de s'en aller ailleurs. Ce qui est un peu, je trouve, niaiseux, dans un certain sens. Sinon, c'est ça. Il existe d'autres moyens aussi qu'on pourrait. En fait, les étudiants pourraient mettre de l'avant pour se faire entendre. Il y a un moyen que je trouvais quand même. Ça logique. C'est une étudiante qui a proposé de retarder le paiement des frais de scolarité au lieu d'avoir recours à un moyen de pression qui fait plus mal aux étudiants. Oui, ben il y aurait ça, mais en même temps, je veux dire... On paye pas, tu payes pas. Oui, si tu payes pas, à un moment donné, par contre, tu t'es enlevé des listes d'élèves. Ouais, non, je sais, mais si tout le monde paye pas... Tout le monde est enlevé des listes d'élèves. Il y a toujours des gens qui vont payer. Ça, l'affaire, c'est que surtout si personne n'est solidaire. Fait que, tu vas avoir des groupes en ingénierie qui vont tous payer. Ouais. Et tu vas avoir d'autres groupes, mettons, en sciences plus humaines, en sciences sociales, qui, eux, vont refuser de payer et qui vont se faire enlever leurs cours, dans le fond. Là. C'est juste ça. Ça, j'avoue que ça peut être... C'est pas nécessairement... Selon moi, c'est pas une très bonne idée. Ça a été amené, je dirais, depuis plusieurs années. Là, en 2008, je crois, il y avait eu une grosse assemblée générale et on avait décidé de... Tu sais, les gens disaient, faudrait faire ça à chaque année, tout le temps quelqu'un qui ramène ça. Ça fonctionnera pas. Là. C'est... Mais sinon, comme autre moyen pour les gens, tu penses-tu, y a-tu des moyens de pression, en fait, qu'on pense pas ou. Bien honnêtement, je sais pas. Des grèves spontanées, des mouvements plus spontanés, peut-être serait intéressant de dire telle heure pendant 3 heures, on laisse tomber les cours, mettons entre 2 cours. On dit à 1h30, on arrête et on recommence à 4 heures. Donc, on vient couper la moitié d'un cours et le début d'un autre. Ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. On sort des cours, on s'en va dans les corridors, on manifeste, on fait et on retourne en classe après ça calmement, d'une façon. Oh, ouais, c'est ça, civilisé. Civilisé, mais ce qui arrive, c'est qu'encore là, le problème de solidarité est là. C'est qu'il y a des étudiants qui vont quand même aller à leur cours, surtout s'il n'y a pas de levée de cours. Et là, les professeurs aujourd'hui n'ont pas le choix de rentrer. Certains ont dit, bien sûr, en solidarité, s'il y a des piquets de grève, on ne traverserait pas. On va pas le briser. Mais s'il n'y a pas personne, moi, je vais rentrer, je vais donner mon cours. Ils ont reçu, bien sûr, comme notice par l'UQTR que si les étudiants sont pas là, de ne pas tenir rigueur, de ne pas dire, bon, lui, il n'était pas là, j'enlève 5 points. Ouais. Mais quand même, ça veut dire, tu vas peut-être avoir des profs qui vont donner des cours à 2 personnes là, si on se promène dans les corridors aujourd'hui. Et il y a aussi la réalité des travailleurs de l'UQTR. Les syndicats ont décidé de ne pas appuyer la grève, c'est-à-dire les autres étudiants et tout ça. Eux autres vont travailler. Les étudiants employés également ont des heures à faire. Il y en a qui risquent d'aller travailler. Les étudiants de cycle supérieur aussi qui sont moins solidaires et en même temps, eux ont moins de cours et sont obligés de produire quand même. Risque d'être là aussi. Là. C'est un peu tard dans la session pour décider de sortir et débrayer. C'est ça. Et c'est beaucoup de dernières minutes, je trouve. Oui, aussi. Ça a été fait en une semaine et demie. En fait, mercredi dernier, on a eu l'Assemblée générale spéciale. C'était une semaine avant. C'est très peu de temps pour mobiliser. Il y a eu des affiches. Je sais pas si on en a parlé beaucoup ici assez fou. Parce que, bon, on en a parlé un peu. 3-4 fois. Moi, en tout cas, je me rappelle en avoir parlé. Mais justement, c'est la chose qui me fait poser des questions. Les gens disaient qu'ils n'avaient pas été assez informés par rapport au premier vote qu'il y a eu la semaine passée. Mais en même temps, tu t'attends à ce qu'on vienne te voir dans ton cours et qu'on te dise, finalement, il y a, tu sais, parce que tu te renseignes pas, ça t'intéresse pas. La plupart des gens se foutent complètement de ce qui se passe avec ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un gros problème à l'UQTR. Juste l'implication des étudiants envers son association et envers les différents organismes, organisations qui tournent autour de ça. Là. Exactement. Je pense que ça, il faudrait s'attaquer à ça, mais tu t'attaques à ça. Ou comment? Comment ça se fait que là, ça a fonctionné le vote d'hier? Il y avait beaucoup plus de gens, il y avait quoi? Beaucoup plus d'affiches, c'est ça? Il y a eu plus de mobilisation. En plus, il y a eu une levée de cours hier. Parce que de 3h à 4h30, il n'y avait pas de cours. Ce qui a aidé justement à emmener des gens. C'est sûr que ça va être. Parce qu'il y en a des gens qui veulent pas manquer leur cours et c'est bien comprenable parce qu'on veut pas être clientéliste, là, mais on paye pour payer. Il y en a beaucoup qui ont cette vision-là. C'est pas nécessairement la mienne, mais il y a d'autres gens aussi qui se disent si je manque 5 minutes de mon cours, ben je risque de manquer quelque chose d'important et c'est mieux d'y aller. Parce que tu payes quand même cher pour venir ici à l'université. Et puis tu fais des choix, là. Tu fais des choix dans le sens que l'argent que tu mets là. T'en mets pas ailleurs, donc... Mais en même temps, c'est que ça peut te coûter encore plus cher empêcher la hausse. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Mais ça devient... je peux comprendre les gens qui veulent pas rater de cours aussi. Mais je dirais que la meilleure façon de protester contre des hausses de frais de scolarité, ça reste toujours le vote qu'on va donner au gouvernement par la suite. Ouais. J'écoutais ce matin, c'est l'émission d'hier de Rick Mercer Report en anglais à CBC, qui disait que les politiciens, là, maintenant, au fédéral, on est en élection, et les politiciens veulent le vote des vieux, veulent le vote des gens malades, veulent le vote des travailleurs, mais ils veulent rien savoir des jeunes et des étudiants. Parce que les autres s'intéressent pas à la politique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les frais de scolarité augmentent justement parce que les étudiants votent pas. Et ça sert à rien, dans le fond, de pénaliser les autres couches quand on peut pénaliser ceux qui votent pas et qui risquent pas de nous mettre dehors aux prochaines élections. Et c'est vraiment dommage parce que oui, effectivement, les étudiants ne votent pas, les jeunes ne votent pas aux élections. Et c'est ce qui fait qu'on chiale contre le gouvernement Charest, mais on n'est pas assez... Et on l'a élu. On l'a élu, c'est ça. Ouais. Et on ne veut pas prendre 5 minutes de notre temps pour aller voter. C'est donc pas dur, deux hein? heures. Ouais, c'est ça. C'est donc une job difficile. Ça prend pas deux heures à aller voter. Là. Non. Des fois, je suis allé, puis c'est un devoir. Plusieurs fois que je vais voter. Ben, c'est ça, exactement. Tu poses même pas la question. Quand même que ce serait plusieurs fois par année, au pire. Je veux dire, sérieusement, c'est si dur que ça. Non, puis moi, c'est les journalistes qui disent oh, on est à la quatrième élection en 7 ans au fédéral. Il n'y a rien, là. Non. Laisse-moi pleurer une seule larme. Une par année, ça serait déjà très bien, je trouve. Ben oui. Ça serait avancé beaucoup plus la démocratie. C'est sûr. Mais bon, parce que oui. Non, c'est sûr. Aller voter, je pense que ça c'est primordial. Ça reste le premier moyen de pression. Ouais. Mais c'est sûr que là, le gouvernement Charest est encore là pour au moins 2 ans. Et d'après moi, contrairement à ce que François Landry disait, Jean Charest va rester au moins jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'en plus, là, les élections fédérales donnent un break d'un mot. C'est qu'il peut rien faire. Faire bien des affaires sans... Les caméras sont là-bas, là. Moi, je suis correct. C'est ça. Et il a décidé de pas trop s'immiscer dans la campagne, ce qui est une très bonne idée stratégiquement. Ouais. Ça va aller. Ah voilà, mais c'est ça, pour revenir un peu sur la hausse des frais de scolarité, là, c'est parce que nous on va payer là, ouais. Et puis après ça pour nos enfants, eux autres, tu sais, ils risquent de repayer encore. On va être l'enfer. Ouais, et ça c'est le gros problème, tout augmente en même temps. En même temps, ça augmente, sauf que dans les provinces maritimes, les frais de scolarité sont en baisse depuis déjà, je pense, 3 ou 4 ans. Donc, c'est un peu niaiseux, parce que les autres vont baisser, nous autres, on va augmenter, la moyenne canadienne va augmenter, donc on va continuer de remettre de l'argent. Les autres universités, à un moment donné, ça va en partir un mouvement, et toutes les universités vont monter leurs frais, bien sûr, à l'ouest de Québec, et ça risque de ressembler à vraiment... pas aux États-Unis, parce qu'on sera jamais aussi cher non. aux États-Unis, mais ça va coûter cher. Mais c'est pas enfants. Le but non plus, tu sais. Non, c'est pas le but, exactement. Et ce que j'ai trouvé honorable, par contre, c'est les libéraux qui ont proposé de donner 1 000 $ aux étudiants par année, les libéraux fédéraux, bien sûr, Michael Niassieff, mais à savoir ce que ça va être fait vraiment... Ça, c'est une promesse électorale. Ouais. C'est une belle promesse, il me semble, c'est beaucoup d'argent. Mais ça 1 000 $, eux autres, ils donneraient ça ou ça serait un crédit d'impôt? Ça serait une genre de bourse de 1 000 $. Dans le fond, c'est on te donne 1 000, puis ta dépense dans tes frais de scolarité, ça fait comme si on t'enlevait 1 000 $ de frais. Ça serait trop compliqué de le faire dans chaque province, dire aux universités, baisser de 1 000, donc on le donne aux étudiants et ils s'arrangent avec ça. En même temps, ils n'ont pas le droit, eux autres, c'est ça, de s'arranger avec l'université parce que, comme tu disais, c'est provincial. Non, c'est ça. Et probablement qu'au Québec, ça serait organisé dans le système de prêt et bourse. Et là, l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on va prendre ce 1 000 $-là et changer 1 000 $ de prêt en bourse et tout simplement ne pas donner plus d'argent aux étudiants? Parce que ça, c'est un autre problème. Parce qu'on se plaint pour la hausse des frais de scolarité, mais la hausse des prêts et bourses, c'est pas fait. Je veux dire, ça n'a pas été ajusté. Non, c'est ça. N'importe qui en reçoit voit bien qu'il n'y en a pas assez là, pour faire son mois sans travailler. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose à majorer dans les prochaines années. Parce que en restant comme ça, là, les étudiants vont s'endetter comme ça se peut. Non, ça n'a pas de sens. Non, vraiment pas. Et il y a beaucoup de gens aussi qui chialent sur les étudiants comme quoi que c'est des gens riches qui ont des voitures, qui se payent de la bière à l'os et qui aussi donc ont des téléphones intelligents, des iPhones. Oui, il y en a. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Non. Loin de là. C'est loin de là. Pas la majorité. Moi, je connais peu de gens qui ont des iPhones à part vous autres, les gars. Mais vous autres, vous êtes pas des étudiants comme tel. François, lui, t'es étudiant. Mais à temps partiel. Avec une job temps plein, donc c'est sûr que... Il y a moyen de se payer des trucs comme ça, mais généralement, les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent, vivent en pauvre et vivent sur de l'argent emprunté qu'ils vont devoir rembourser plus tard. Donc, de rajouter ça sur le dos des étudiants, je trouve ça un peu n'importe quoi. Et c'est ça, ne vivent pas riches et travaillent en plus. Oui, ils travaillent pas mal. Parce que, comme tu mentionnais, t'as pas le choix. Et exactement. Et habituellement, ces étudiants-là qui vont avoir des voitures, vont avoir des téléphones, vont se payer beaucoup de bières, vont travailler beaucoup aussi. Et là, on parle des gens qui vont avoir peut-être même 2 jobs dans leur semaine, qui vont faire des cours à 4 cours par semaine en 2 jours, vraiment concentrés. Ils vont travailler le restant et ils vont pas nécessairement avoir les meilleurs rendements scolaires. Non. Ou sinon, papa, maman, viens les aider. Ça aussi, ça existe. Genre des étudiants dans certains programmes qui viennent à l'école en Mercedes, des affaires comme ça. Et qui, eux, ça leur dérange pas qu'il y ait des hausses de frais de scolarité. Mais non, mais c'est sûr, ça te touche pas. Non, vraiment pas. Je m'excuse, mais tu sais... Mais, je veux dire, quand même, avoir une... Moi, les gens qui ont des cuillères en argent dans la bouche depuis leur naissance, je trouve que c'est pas nécessairement les meilleurs pour juger, justement, à propos de trucs comme ça. Et la journée qu'ils vont se retrouver indépendants risque d'avoir beaucoup de problèmes à arriver. Parce qu'ils n'auront pas appris à gérer. Non, ils ne savent pas c'est quoi la valeur de l'argent. Exactement. La valeur de l'argent, je m'excuse, mais je pense que tu l'apprends en travaillant. Oui. Et puis, il n'y a pas d'autre manière. Non, c'est ça. Combien j'ai vu de gens, justement, qui ont grandi quand même dans un milieu de vie aisé quand ils sont arrivés à l'indépendance, à la majorité. Ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup de misère et plusieurs mois de famine pratiquement là, parce que paiement payait plus, soit pour l'école et des choses comme ça. Oui, puis t'as jamais été limité. Non, c'est ça. Donc là, tu sais pas quoi limiter et puis tu veux pas te limiter non plus. Non, vraiment pas. Et de l'autre côté, ben t'as les étudiants qui ont quasiment pas d'argent et qui réussissent à faire quand même une bonne vie avec ça, c'est quand même bien. Mais la hausse des frais de scolarité, il faut dire que c'est quand même... je crois, c'est quoi, 300 quelques dollars par année, par session de plus? Ouais, par session, si je me rappelle c'est quand bien. Même, c'est quand même beaucoup, là. C'est vraiment pas une hausse comme les 50 dollars qu'on avait. Ça, c'était passable. Je veux dire, c'est normal qu'avec l'inflation, on peut l'augmenter un peu, mais là, c'est carrément un dégel qui pourrait amener à d'autres choses. C'est une hausse qui va se faire sur, en plus de hausser l'autre hausse, tu sais, parce que ça va être graduel. Va hausser en plus de l'autre hausse. Non, mais tu comprends, tu mettons une session, ça va augmenter, là, je sais pas, je dis des chiffres. Ouais. 200, mais l'autre session va augmenter aussi de 200, mais de sur le 200 aussi. Donc ça devient des montants de fou à la fin. C'est la belle gymnastique comptable des gens du gouvernement. N'importe quoi. Ouais. Puis, passons de la grève à autre chose. Okay. Toujours côté politique, par contre, est-ce que vous êtes allé sur le site de Radio-Canada faire le test de la boussole électorale? Non. C'est quoi? Vous devriez y aller. C'est sur le site de Radio-Canada.ca. Il y a boussole électorale, c'est à droite. C'est une icône carrée. Et vous allez cliquer là-dessus. C'est un genre de sondage réalisé par des politologues. Qui, eux, dans le fond, ont monté... un questionnaire de 30 questions qui vous place sur une grille gauche-droite, sociale ou économique et qui va vous placer, dans le fond... Ça vous dit pour qui voter, finalement? Oui, ça vous dit pas pour qui voter, mais ça vous dit... Pourquoi voter? Ouais, en quelque sorte. Ah, c'est intéressant, ça, j'aime ça. Dans le fond, tu vas dire ce que tu penses de plusieurs sujets chauds. Ouais. Puis ça va te dire, si le conservateur pense ça, là, de ça. Exactement. Okay. Et vous avez, admettons, justement, là, François est sur la page, vous choisissez donc votre langue, votre province. Dans le fond, la réalité va être mise par rapport à ça. Si vous êtes au Québec, j'ai dit ça, puis rajouté dans le Bloc québécois. Sinon, il n'existe pas, c'est ça. Sinon, je pense pas qu'il est là parce que tu n'as pas vraiment d'opportunité de voter pour le Bloc, de toute façon. En même temps, t'as Elisabeth May, qui est-ce qui vote pour le Parti vert? Bon. Ah non, mais hey, Louis Lacroix, par contre, qui est un de mes bons chums, se présente pour le Parti vert. J'aimerais ça qu'il vienne nous en parler à l'émission. Ben, je suis sûr que ça va lui faire un grand plaisir. Ouais. Ouais. Ça va être intéressant. C'était aux nouvelles de Radio-Canada ce matin qu'il y avait quelqu'un qui disait que le Parti vert participerait pas au débat parce que, tu sais, de toute façon, ils n'ont jamais eu de siège à la Chambre des communes. Non, mais je pense pas qu'ils n'ont jamais eu de siège parce qu'ils n'ont jamais participé à des débats. Ben, ils ont participé au dernier débat. Ouais, le problème du Parti vert, c'est qu'ils ont. Elisabeth May comme chef qui en anglais se débrouille très bien mais qui en français est exécrable et un débat avec Elisabeth May en français c'est n'importe quoi parce que t'as la population qui la comprend pas, le modérateur du débat qui la comprend pas et les autres débatteurs qui déjà il y en a qui sont anglophones de naissance qui parlent pas un français. Jack Layton a un français correct. Il se débrouille bien. Ouais, il se débrouille bien mais il est plus proche de du français normal parlé québécois, lui, il est né à Montréal. Et t'as Stephen Harper qui parle bien français, mais en même temps, je suis pas sûr qu'il comprend tout ce qu'il dit. Donc, il est bon pour lire le français. Ça, c'est un autre histoire. C'est ça. Et lorsqu'Elisabeth May parle, ben là, t'as ces trois gars-là avec Pankaj Miasiev qui, souvent, vont pas comprendre ce qu'elle dit. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Si elle veut se faire prendre au sérieux, ce serait pas une bonne idée qu'elle suive juste un cours en français. Ça serait pas compliqué, ça, là? Oui, mais je pense qu'elle en a suivi des cours en français parce qu'elle ne met pas en pratique. Parce qu'étant Colombie-Britannique, cette dame-là, il y a des francophones en Colombie-Britannique. Il y en a vraiment pas beaucoup, par contre. Et c'est pas la deuxième langue officielle, là, le français en Colombie-Britannique, parce que c'était le chinois avant. Et t'as beaucoup d'autres ethnies également. Donc, elle n'a pas la chance de le pratiquer. Et je pense pas qu'elle voit l'importance également de parler français en dehors des campagnes. Et pour revenir donc justement à la boussole, vous répondez à 30 questions. Par la suite, on vous pose des questions par rapport au chef qui est-ce qui est le plus apte, selon vous, à devenir premier ministre et qui. Et ça vous place dans une échelle. C'est un genre de diagramme à quatre carreaux. Et vous avez les différents partis placés par rapport à ça. gauche, droite, sociale, économique. Et dans le fond, on vous place un point et avec un genre de cercle d'opportunités de parti. Dans le fond, vous êtes plus proche de ci et okay. de ça. Moi, je l'ai fait. Ça m'a donné... Surréaliste? Ben oui, oui et non. Je me considère pas autant à gauche qu'ils m'ont mis, mais je suis comme dans l'extrême gauche sociale. Moi, okay. c'est vraiment proche du communisme. Et ça flashait, tu sais. Ouais, alors, c'est ça. Et je suis plus proche du NPD que je le croyais, mais quand même, moi qui considérais peut-être le NPD comme une opportunité, pas comme une opportunité, mais comme un vote potentiel, ça se pourrait que je le suive. Ma blonde l'a fait, elle était plus libérale. Je connais pas personne qui l'a fait qui est conservateur encore. Peut-être que ça va arriver un jour. C'est sûr que cette boussole-là est pas nécessairement apte à détecter pour les indépendantistes. Je veux dire, aussitôt que tu dis que t'es de l'indépendantiste, tu vas voter pour le bloc, veux pas. Donc, ça peut aider quand même à voir les autres opinions. Après ça, tu peux voir également ce que les autres partis, où est-ce qu'ils se retrouvent par rapport aux réponses qu'on a répondues. Mais il y a eu des plaintes, par contre, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est trop libéral comme questionnaire et que tu peux faire différentes combinaisons de réponses, te retrouver quand même avec l'option libérale plus proche de la tienne. Et si tu réponds, je ne sais pas, à toutes les questions, ni plus ni moins, tu te retrouves libéral. Donc, c'est un peu... Ah ouais, ouais. OK, tu te retrouves même pas dans le centre... Non, libéral est pas nécessairement dans le centre complètement. Il est un petit peu à gauche dans okay. le carré, mais... non, ah, c'est discutable, ça, tout le temps, je ne sais pas, puis tu tombes libéral. Ouais, c'est ça, c'est un peu un problème. C'est un parti de je ne sais pas. Mais je répondais à ce questionnaire-là, puis j'avais l'impression de répondre à un questionnaire Facebook en même temps. Ça ressemble ah, pas ouais. à ça, ouais. C'est pas tant... Ça peut être bon pour aider les gens à s'orienter, mais fiez-vous pas juste à ça. Écoutez les campagnes, écoutez les chefs ce qu'ils ont à dire, vous allez voir. Il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir de là. Mm-hmm. Sûrement. Mais merci beaucoup, Simon Fettin. Oui, merci. Ben, merci, Simon. Merci à vous. On rappelle, c'est sur le site de radio traitsunioncanada.ca et puis on clique sur boussole électorale à droite. Mm-hmm. C'est ça. Voilà. À droite, ouais. À droite, oui. Il pourrait le mettre au milieu, le bouton, déjà. En milieu de la page. Avec un pop-up, puis la petite musique qui joue, puis les gaffes animées, puis bon. On te retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, on l'a dit tantôt, mais tu vas animer la saveur du moment ce soir aussi, donc il faut être à l'écoute pour ça. Nous, ça va être pas mal la fin de l'émission. On a encore un petit peu de temps. Quelques minutes à peine. Le temps de se dire qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, les gars. Ben tranquille pour moi. J'ai des travaux à commencer à faire ardemment. Ah, les étudiants, hein? Et oui. Mais tu ris de moi parce que je suis pas étudiant tantôt. Hein? Il reste moins d'un mois la session, donc c'est quand même Un gros scratch. J'inviterai peut-être les gens si y a rien à faire. Dimanche, il y a une exposition en fait de photos de Pascal Proulx. Pascal Proulx qui a animé avec moi. Ouais. Ici, c'était lui ça, le Petit Brou, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc il fait une exposition de ses photos. Ça se déroule à l'Embuscade et ça commence dimanche à 16h. Ouais. Donc, c'est tout. Allez à fait voir ça. Sinon, il y a aussi samedi qui s'en vient le 2 avril, un spectacle très très métal avec des logos incompréhensibles, tu sais, comme ils font souvent dans le domaine. Là. Reanimator, fuck the Middle East, Alcoholiter. C'est au Rock Café Stage. T'as du talent, Simon. Oh ouais. Rock Café Stage, samedi 2 avril. Allez voir sur trois-rivières-metal.com pour plus de détails, bien sûr. Puis toi, Mathieu, ta fin de semaine? Ah, tranquille aussi. Fin de semaine, j'aime ma fin de semaine de ces temps-ci. Ma copine était en vacances cette semaine. Ah ouais? Puis on se voit enfin, c'est rare. Je la salue d'ailleurs. Si elle écoute, ce qui est sûrement pas le cas, elle doit être en train de magasiner. T'sais, les journées de vacances pour les filles, c'est de 7h à. Pas magasiner à 9h le matin. Non, je blague. Franchement, c'est un cliché de fille. On a une fille en studio, peut-être qu'elle me dira que j'ai tout à fait raison. D'ailleurs, Rachel suit avec Tour d'Afrique tantôt à 9h. Ensuite, à 10h, ça devrait être Connaître ensemble, dépendant des semaines. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier, qui est en vacances cette semaine, mais vous a préparé des meilleurs moments de son émission depuis les deux dernières années. Donc, soyez à l'écoute à 11h. Moi, je vais être de retour à 13h cet après-midi pour l'émission C'était fou. Oui, je vous présente cette semaine que des number one hits. Seulement des numéros 1 à travers les années. C'est très relatif, comme on dit toujours. C'est un succès relatif. À 14h, c'est les palmarès C'est fou avec moi-même et Stéphanie Gagné. On vous présente le top 20 francophone et top 20 anglophone de la semaine. En soirée, Stéphanie va rester avec vous pour une pêche en mission. Puis il y a La Spirale, Sky Panka et La Saveur du Moment avec toi, Simon Fitzbé, à 21h. Mm-hmm. On va se retrouver lundi avec Audrey Tremblay pour faire le tour du plus récent journal Zone Campus. Tout à fait, Stéphanie Gagné. Oui, elle va être de retour. Elle n'était pas là cette semaine, donc on s'ennuie d'elle. Ben oui. Un peu comme François, on s'ennuie de lui aujourd'hui. Ouais. C'est triste, mais bon, on a réussi à parler de politique quand même. Ah oui, fort intéressant aussi. Ouais. On le remercie quand même, François Landry, même s'il n'était pas là, je sais pas, chez eux, j'imagine, parce qu'il n'a pas le droit de traverser la ligne d'épitage non plus. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après moi, soit il est peut-être dehors aussi avec les étudiants, c'est pas. Ah, peut-être. Mais c'est des grosses chaussures à revêtir. Mais... À remplir. Ouais, une grosse cape de politicien, je sais pas, en tout cas. Mettons quelque chose de genre. À lundi, bonne fin de semaine, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent, et puis après ça, c'est Tour d'Afrique. Bye bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.